sur les ondes de Galaxy 95.30, il est 17h, passé de 47 minutes, le meilleur de la musique électronique toute la soirée, tout le week-end dans votre compagnie. Exceptionnellement, ce soir à partir de 18h, vous aurez droit à un méga set de DJ Storm pendant 3 heures. Thank you. We'll be right back. Bye. Thank you. Thank you. You are, come on.

Thank you. find your missing piece. Tell me how you feel. So you take a picture of something you see.

I got all my life to live. I got all my love to give.